一人まがゆあんとるやのどりとんちんとりあくわやげん Please, mama, don't cry for me. In the last day. Santa Lane of Frelspen. Arrgers i dar cwl meddair, yn y glwb cyrs maes gan ffwrdd lenet. O i le, di le, tani. Nazika. Oh, Jolani, ta bichité, mitaku. Nalu monosa. Les oiseaux chantent et les étoiles nous protègent pour pas qu'on ait de l'eau sur la tête. C'est pas le chemin pour nous les enfants. On apprend à plein, à faire plein de choses. Je suis un petit pompon de belle figure qui aime bien les bonbons et les confitures. Si vous voulez m'en donner, je serai bien à les manger. Don't cry for me. Señor Contini, se vuoi ballare, signor Contini, il chitarrino le suonerò.